بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كور نمو 13 طغب يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on procède inshallah comme à notre habitude à une petite révision du matin, pas entièrement, lakin on va laisser la muqaddima et passer directement au qawaid. قال والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، ودين مبني على المصالح في جلبها ودار للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المفاسد، يقدم الأعلى من المفاسد مصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ناباه التعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا ينزل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحرمها حتى يجيل الحل فافهم هداك الله ما يمل. Donc c'est ce qu'on a pu voir jusqu'à présent des abiyats de cette manzuma de l'imam al-Sa'di alayhi rahmatullah. On a pu voir la semaine dernière, ou dans le cours dernier, parmi les abiyat, il y en a la titarji ala qa'idatu, baqa wa l'ashia ala asalatiha. On avait pu voir, yani, min al-abiyat al-aslu fil abda' wal-luhumi wal-nafs wal-amwal lil-ma'soumi. Tahrimu hatta yanjilu hillu, fathham hadaka Allahumma yumallu. Donc on a pu voir ces deux abiyat là, dans lesquels Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala, il nous a exposé une partie des choses dont leur origine, leur asl, c'est qu'elles sont interdites. C'est qu'elles sont interdites et elles restent telles quelles jusqu'à ce qu'un dalil vient pour dévier son jugement vers autre chose, vers autre chose. Il a pu citer par rapport à, comme exemple de cela, Naham al-Abda'. Quel est, même ma'ana al-Abda'? Qal al-Aslu fi al-Abda' wa al-Luhumi. Même ma'ana al-Abda'? نعم النكاح تمام النكاح الجمع جمع البضع تمام كما في الحديث نعم وفي بضع أحدكم صدقة يعني البضع سكوا سي النكاح والبضاع سي الجمع تمام دوك ينديك الأصل في الأبضاع تمام كي النكاح c'est-à-dire de consommer le mariage c'est l'interdiction jusqu'à ce que il y a un dalil qui prouve que tu t'es vu autorisé تمام صلاة تمام والدليل الذي يدل على ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن حكم يوفى به الشروط ما استحللتم به الخروج تمام النبي صلى الله عليه وسلم دي les conditions dans lesquelles vous êtes plus en droit de vous décharger c'est celles que par lesquelles vous êtes vu autorisé تمام de consommer le mariage donc ça a été utilisé le terme استحللتم به تمام استحللتم به الفروج والاستحلال معروف يعني c'est le fait que tu te rends autorisé une chose qui était quoi haram bidalil تمام بدليل. Donc ça nous montre que la base de ces choses là c'est que c'est haram واللحم معروف تمام اللحم معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل تمام toute bête qui a été égorgée dans laquelle tu as évoqué le nom d'Allah Azza wa Jal, il nous dit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mange. Donc, dans la compréhension inverse de ce hadith-là, toute bête qui n'a pas été égorgée selon la loi islamique, et qu'à l'écart, dont le nom d'Allah Azza wa Jal n'a pas été évoqué, cette viande-là, elle est haram, tamam. Cette viande-là, elle est haram, tu n'as pas le droit de la manger, tamam. Donc, il faut que ces conditions-là, ils soient requises afin que tu puisses te voir autoriser cette chose-là qui est en elle-même, comment ça s'appelle, haram, tamam. On parle par rapport aux viandes qui, dans les bêtes, ils sont, autorisées, tamam. À main, il y a des choses qui, même si jamais tu l'égorges, et que tu prononces le nom d'Allah Azza wa Jal, ça va pas rendre ces choses-là qui est haram, yani halal, comme c'est le cas du cochon et l'akhirhi, parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal l'a interdit. وَكَذَلِكَ قَالَ وَالْأَصْلُ فِي النَّفْسِ كَذَلِكَ on a pu évoquer une petite faïda, c'est que نعم الْأَصْلُ فِي الْلُحُومِ تمام plutôt dans ces choses-là qu'on a évoquées, c'est que tu sois à l'yaqin, tamam. Que tu sois à l'yakin ban nikah, t'as pas à avoir une ghalabat au dhan pour te voir autorisé de consommer le nikah. La forte présomption, elle n'est pas accordée, elle n'est pas prise en compte dans ces choses, dans ces genres de choses-là. Il faut vraiment que tu aies une certitude que ton aqd, que ton acte de mariage soit conforme à la loi de l'islam. Amma al-luhum, comme on a pu le voir, tu peux utiliser la force présomption. Dans quel cas il est autorisé de s'adonner à la viande sans avoir une certitude qu'elle est halal. Quand on a un indice, comme le fait qu'elle vient de musulman. Celui qui vit dans un pays musulman et qu'on lui il va dans un restaurant et il demande de la viande, il n'a pas à demander au custode est-ce que tu l'as égorgé comme il se doit, et t'as prononcé le nom d'Allah Azza wa Jalla lorsque tu l'as égorgé, tamam. Ça c'est makruh jiddan, tamam. Ça c'est makruh jiddan, comme a dit le hadith. Tamam. Anna qawman jaa li-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalu inna qawman yani tuqaddamu ilayya luhumana kaba yani bil ma'na, fala la dariyal dhikra rasulullah alayhi amla. Tamam. Il dit, il y a un peuple qui vient avec de la viande, tamam. Et al-zahir al-hadith, c'est que c'est des musulmans qui viennent avec de la viande et on ne sait pas si jamais ils ont évoqué le nom d'Allah Azza wa Jalla ou pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, سموا أنتم وكلوا تمام prononcez le nom d'Allah c'est-à-dire قولوا بسم الله قولوا بسم الله c'est-à-dire que dites بسم الله lorsque vous voulez le manger tamam et ça c'est suffisant tamam. Donc Nabi Sallam il a pas pris en compte le fait qu'ils n'ont pas eu la certitude que cette viande là a été égorgée et le nom d'Allah Azza wa Jalla a été évoqué tamam فقال فكلوا أنتم وسموا بسم الله وسموا بسم الله tamam. Donc ce hadith là est une preuve évidente que tu as droit de consommer la viande même si jamais l'asl elle est interdite lorsque tu as une forte présomption que cette viande là les conditions elles ont été requises et qu'à les cas dans le cas inverse lorsque tu as un indice qui est fort une forte présomption que cette viande là elle n'est pas halal tu ne manges pas comme c'est le cas au cas inverse jamais tu vis dans un pays qui n'est pas musulman et que la viande a été proposée par des kuffars et bien dans ce cas là tu dois demander, tu vois. Tu dois demander, et comme on a pu l'expliquer, Ahlul Kitab, ils sont rares dans notre époque, c'est-à-dire ceux qui égorgent et qui évoquent le nom d'Allah Azza wa Jal lorsqu'ils égorgent. Donc les deux conditions kadhalika, elles sont requises pour Ahlul Kitab. Tu as le droit de manger leur viande, lakin, est-ce qu'on trouve des gens, min Ahlul Kitab, qui font cela? Wallahu a'lam. Donc ça, c'est kadhalika, on a pu évoquer que la fatwa de Sheikh Al-Uthaymin, qui dit que les viandes qui sont importées, à partir du moment qu'on sait qu'elle vient d'Ahl al-Kitab, tu manges, tu dis bismillah et tu manges. T'as. Ça c'est une fatwa, fihi nadar, fihi nadar. Parce que les Ahl al-Kitab, ils sont vraiment rares si jamais ils existent. T'as. Ils sont vraiment rares. Donc yani, les viandes qui sont importées de l'extérieur, il faut demander. Il faut demander la provenance de ces viandes-là. Est-ce qu'elles ont été égorgées correctement? Est-ce que le nom d'Allah Azza wa Jalla l'a été évoqué? Si ce n'est pas le cas, jamais tu ne sais pas. Tu fais comme si jamais c'était un kafir qui t'avait qaddam la al-lahm. C'est-à-dire que tu ne manges pas. Car l'asl fil luhum, c'est al-tahrim hatta yaji al-dalil lil-hil. Comme a dit al-allamah al-sa'di alayhi rahmatullah. Kadhalika al-nufus. Al-nufus asluha muharrama. Tu n'as pas le droit. Yani, nufus al-ma'souma. Tu n'as pas le droit de déverser le sang. quel est le sens lorsqu'il dit c'est qui le ma'soum? Celui dont ses biens et son âme ils sont sacrés, c'est à dire que tu n'as pas le droit de t'y adonner à ses biens et ni kazalika de déverser son sang. Qui est le ma'soum? Il fait les deux attestations et donne la zakah et accomplit kazalika as-salah, tamam, comme a fait le hadith. تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني اموالهم دماءهم واموالهم. تمام النبي صلى الله عليه وسلم clairement exposé que celui qui atteste les deux attestations, accomplit la prière et acquitte la zakah, tamam, son sang et ses biens deviennent sacrés, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de s'y adonner. تمام كذلك يدخل في المعنى ceux qui n'ont pas attesté des deux attestations et qui en est parmi les kuffars, même parmi les kuffars, ceux qui rentrent, il y a certaines catégories de kuffars qui rentrent dans la catégorie des ma'soumin, comme c'est le cas du zimmi, al-zimmi, comme on a pu l'évoquer, celui qui est kafir, qui demeure dans les terres musulmanes, il doit donner un impôt afin que sa vie soit, son sang yani devienne pas sacré, lakin qu'il soit épargné, que son sang il soit déversé. Il redonne un impôt chaque année afin de préserver sa vie. Et il doit appliquer d'apparence les règles de l'islam. C'est-à-dire qu'il ne s'adonne pas à son kufr en public. Il n'a pas le droit. Même si jamais c'est fait chez lui, ça le regarde. À partir du moment qu'il a donné de prendre ses biens ou bien kazalika de déverser son sang, comme a fait l'aya qatilu alladhina lam yu'minu billahi wala bil yawm al-akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna din al-haq min alladhina utul kitab hatta yu'tu al-jizya. Donc il faut que donne al-jizya comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a conditionné. Kazalika al-musta'man, c'est celui qui a demandé le droit d'asile dans un pays musulman et le gouverneur lui a donné. Kazalika, on disait al-musta'man, ça rentre dans celui qui vient demeurer. Il demeure, tamam, il réside dans les terres musulmanes pour une raison politique ou bien une visite ou bien pour un commerce, il y en a parmi les gens que le gouverneur lui a donné le visa, tamam, le droit de rentrer. Ces personnes-là, kazalika, son sang et ses biens deviennent, il y en a une isma. Pourquoi? Parce que tu dois obéir au gouverneur et le gouverneur lui a donné sa parole. Donc le fait de prendre ses biens et l'akhirihi, c'est comme s'il lui a dit je te garantis que ton sang et tes biens seront préservés dans ce pays-là, et toi si jamais tu viens et tu déverses ton sang et tu prends ses biens, c'est comme si jamais t'avais trahi, et la trahison, ça ne fait pas partie de notre dîme. Donc là, c'était, on avait Kazal et Kaya évoqué Al-Mu'ahad, celui qui a signé un pacte avec les musulmans, tamam, pour une guerre ou bien kazalika pour une trêve et l'akhirihi, kazalika ça rentre dedans, tamam. On avait évoqué Zimmi, Mu'ahad, Al-Musta'man, Allah Musta'an, on avait évoqué 4, je crois. Le troisième, j'ai oublié, Allah Musta'an. T'es parmi les personnes dont leur sang y rentre. C'est l'Isma, tamam. Donc, Inch'Allah, on poursuit. Qala rahimahullahu ta'ala, wa l'asu fi adatina al-ibaha. حتى يجيء صارف الإباحة المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما زال يبين حكم الأشياء التي أصلها الإباحة يعني بيان حكم الأشياء أصل حكم الأشياء المؤلف رحمه الله تعالى dans ces vers-là كذلك il poursuit dans ce qu'il a débuté, c'est-à-dire d'exposer le jugement tamam de l'origine des choses, tamam, de la nature innée des choses. Après nous avoir évoqué, rahimahullah ta'ala, que l'aslu fil ashiya, c'est l'ibaha, comme on a pu le voir à travers le bait, lorsqu'il a dit, wal aslu fil miyahina wa at-tahara wal ardu wa thiyab wa al-hijara. Tamam, il a évoqué dans ces abiyat-là que la base de nos eaux, nos terres, nos vêtements et l'akhirihi, al-hijara, c'était al-hil wa al-tahara, qu'ils étaient purs et licites. Tamam, de manière générale, il a évoqué cette qaïda-là, et là il vient pour évoquer une chose qui rentre dans cette globalité-là, qui est quoi? Al-Ada, c'est-à-dire la coutume. Al-Ada, comme il a dit dans son parole, et l'aslu fi adatina. Al-Ada, c'est la coutume en français, tamam. Il nous dit que la base dans les coutumes, dans nos coutumes, tamam, c'est l'ibaha. c'est qu'elles sont autorisées. Même c'est qu'elles sont autorisées. On va voir ce que est al-ada. Qala hatta yadi musarifu libaha. Donc al-aslu fi al-ada, c'est que c'est mubah, c'est autorisé, jusqu'à ce que vient le dalil tamam qui yusarifuha, c'est-à-dire qui dévie son jugement vers at-tahrim ila akhirih tamam. Donc ça c'est une qaida qui est une filière de ce qu'on a pu voir un peu plus haut dans laquelle il a dit Cheikh rahimahullah ta'ala wal aslu fi miyahina at-tahara tamam. Donc ça c'est un far de cette qaida là. Donc on est toujours dans la qaida qui est baqa'u makan ala makan tamam. Baqa'u makan ala makan, tu dois laisser perdurer le jugement d'une chose jusqu'à ce que un sarif, une chose qui vient le dévier son jugement, et dans ce cas-là, naham, tu feras ou tu jugeras de ce que dépend ce sarif, c'est-à-dire la chose qui le déviera. Tamam. Donc ça, yani, c'est en résumé ce que signifie yani, ce bait-là, ce vers-là. Al-Ada, comme l'a évoqué Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, قال هو كل ما اعتاد الناس عليه في دنياهم مما يحتاجون إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى il nous a décrit qu'est-ce que العادة, la coutume. Il nous dit c'est toute chose dont les gens en ont besoin, tamam, ressentent le besoin parmi les affaires mondaines, parmi les affaires mondaines. كل ما اعتاد الناس عليه في دنياهم مما يحتاجون إليه. Yani min al-ma'akil wal-masharib wal-bina ilakhirihi, tamam, parmi les aliments ilakhirihi, la construction, tamam, le bâtiment, toutes choses qu'ils ont besoin, tamam, dont ils ressentent un besoin dans leur dunya, c'est ce qu'ils appellent ça une ada, tamam, une ada. Donc il y a al-ibada wa al-ada. Wal-ada, tamam, même si elle est autorisée, comme on a pu le voir, qad tanqalibu ibada. Ça peut devenir une ibadah à partir du moment où tu mettras une niya pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de manger, c'est une ibadah. Plutôt même c'est parmi les choses d'Ibiliya, c'est les choses que l'insan ne peut pas s'en passer, même si jamais il le laisse, yani, il peut mourir ila akhirihi. Tam la kinsi min niya, lorsqu'il mange, lorsqu'il prend son repas, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, pour être plus fort dans l'ibad et l'akhirihi, il va être récompensé par rapport à sa niya. Comme a dit le Nabi sallam, il amène amal bin niyat. Les œuvres selon leur intention. Si jamais tu as une bonne intention dans cette chose qui est coutumière, tu veux te rapprocher d'Allah azza wa jal, cette aada, cette chose-là qui est une coutume, en elle-même, elle deviendra une ibada par rapport à quoi? Par rapport à la niya. Donc, l'aada peut se transformer, comme on a pu le voir, en ibada, et cela avec la niya. Ça, c'est min ni'matillah subhanahu wa ta'ala. والدليل كي نبروف لا فيراسيتي دو سيت قاعده لا ان الاصل في العاده تم اعتاد اليه الناس كسي الاباحه قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج من عباده والطيبات من الرزق دو سيت ايه لا الله سبحانه وتعالى الى ريبريموندي لي جون كي او انتردي او عباد او سيرفيتور لي شوز كالله سبحانه وتعالى الى autorisé. فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Qui a l'audace de نعم, interdire les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé parmi الرزق الطيب, tamam, la bonne substance, et كذلك الزينة, c'est-à-dire les vêtements, les choses que tu prends pour t'embellir, tamam. Donc dans cette ayah là, il y a un dalil qui nous prouve la véracité de cette qaïda là, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé les gens qui ont interdit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé au ibad, tamam, a autorisé au ibad. Donc il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu le voir dans la qaïda, tamam, an al-aslu fi al-ashya al-ibaha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ard jami'a. C'est celui qui vous a créé, qui a créé pour vous tout ce qui se trouve en intégralité sur la terre. Donc le fait qu'Allah azawajal ait créé ces choses-là pour nous, ceci nous prouve que tu y as droit, tu as même de t'y a donné, et que ces choses-là, elle est quoi? Elle est halal, et qu'adalika, comme on a pu le voir, qu'elle est pure. Et mena la hadith, la titadul ala dhalika, qu'olu subhanahu, qu'olu sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith, wa ma sakata anhu, fahuwa afun. Tamam, ma sakata anhu, ou anna Allah subhanahu wa ta'ala, sakata an ashya, rahmatan lakum, ghayra misyan, fala tabhathu anha. Dans ce hadith, qui est sahih, ni ghayrihi, comme a dit Cheikhana Abu Amr, hafizahullah ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous expose que certaines choses, Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu. C'est-à-dire qu'il n'a pas prononcé le jugement, est-ce qu'il est interdit ou bien est-ce qu'il est une obligation. Masakata anhu. Tamam. Il dit wa sakata an ashiya rahmatan lakum. Il s'est tu sur certaines choses par miséricorde, yani pour vous, ghayra nisyan. Tamam, c'est pas par oubli car Allah subhanahu wa ta'ala la yansa wa la yansa un'am. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى. Et ton Seigneur n'oublie pas. Tamam. Donc il s'est étudié sur certaines choses par miséricorde pour nous, tamam. Et pas pour par oubli, tamam. وَكَذَلِكَ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ. Tamam. Toute chose dont le jugement n'a pas été prononcé, il dit c'est فَهُوَ عَفْوٌ, c'est-à-dire que c'est مُبَاح, c'est autorisé. Donc, c'est-à-dire toute chose donc, qui n'a pas été prononcée le jugement sur l'autorisation ou plutôt sur l'obligation bien ce qui est interdit, c'est mubah. Tamam, c'est mubah. Donc en dehors des wajibat et en dehors du tahrim, c'est-à-dire en dehors de l'ibadat, il y a des choses qui s'appellent na'am adat wa ma sakata Allah subhanahu wa ta'ala anhu. C'est-à-dire qu'il n'a ni jugé que c'est interdit et ni jugé qu'il est quoi, que c'est une obligation. Ça c'est ce qui s'appelle al-mubah. Wal mubah, c'est-à-dire les choses qui sont autorisées inda ulama al-usul. هو يعني حكمه نعم هو ما لا يثب على فعله بذاته. C'est toute chose dont il n'est pas نعم rémunéré une rétribution lorsque tu le fais. Tamam, il n'y a pas de ajr, de récompense lorsque tu vas le faire. Et kada les cas tu n'auras pas de péché si jamais tu le délaisses. Tamam, ça c'est le jugement du quoi, du mubah, toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. C'est-à-dire que si jamais tu le fais, tu ne seras pas نعم récompensé. Si jamais tu fais ces choses-là en elles-mêmes, tu ne seras pas récompensé. Si jamais tu la délaisses, dans tous les cas, tu ne seras pas réprimandé, tu n'auras pas de péché. Ça, c'est al-mubah. Tamam, fi inda ulama al-usul. Tamam, inda ulama al-usul. Fahadihi al-qa'ida. Tamam, anna al-adatu. Tamam, al-ada, al-aslu fi al-ada. Ou al-ibaha, kadhalika. Cette qa'ida-là, comme l'autre, nous pousse à étudier, tamam, à étudier et faire la différence entre les choses qui sont ibadat et les choses qui sont hadat. Il y a certaines choses qui sont des hadat. Al-asufihi, c'est quoi? C'est que c'est l'ibaha. Lakin, à partir du moment qu'il n'y a pas de dalil qui nous prouve que c'est interdit. Donc ça veut dire qu'il faut connaître les choses qui sont interdites parmi les choses yani, qui sont connues chez les gens qui sont coutumières. Il y a certaines choses qui sont devenus coutumières chez les gens, là qui n'y sont quoi, c'est là il y a juz ta'at bihi. Tu n'as pas le droit de t'y adonner, car il y a un dalil qui prouve cela, tamam. Donc cette qa'ida là, tamam, c'est une qa'ida qui est mustanbata, déduite, tamam, et qui est kulliya, tamam, à partir du moment où cette chose là vraiment elle s'avère être une ada fi shar, tamam. C'est pas une ada, une coutume, il y en a chez les gens, car il y a des choses qui sont coutumières chez les gens, là qui est quoi, qui est interdite, tamam. Donc toute chose dont Naham l'Islam a considéré comme étant une ada, c'est-à-dire que si jamais tu le fais, tu ne seras pas récompensé, et si jamais tu le délaisses, tu n'auras pas de péché, tamam, cette chose-là, Naham, si jamais la personne le fait, tamam, plutôt yani, cette chose-là, yani, yuhkam alayha anaha ada, tamam, anaha ada, ou anaha lilibaha, tamam, c'est-à-dire que c'est autorisé, tamam, c'est autorisé. Et si la personne prétend l'inverse, c'est-à-dire que cette chose-là qui est une rade, une coutume, il dit qu'elle est haram, ça lui de ramener dalil. Pourquoi? Parce que là, il a prétendu une chose qui est contraire à la nature de cette chose-là. T'as mis prétend que cette chose-là, qui est connue comme dans Shar, dans l'islam, comme étant une coutume, t'as même, il prétend que cette chose-là, elle est interdite, alors que la base, comme on le sait, c'est qu'elle est mubah, ça lui de ramener dalil. T'as même, c'est pas à toi de ramener dalil pour prouver qu'elle est mubah, ça lui de ramener dalil. Pourquoi? Parce que il prétend. Le Nabi sallam, il a dit quoi? Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, tamam? La preuve à celui qui prétend. Comme c'est le cas de cette personne-là qui prétend que cette coutume-là, elle est haram, tamam? Ça lui de ramener le dalil. Pourquoi? Parce qu'il a khalaf al-asl, tamam? Il prétend l'inverse de la nature de cette chose-là. Donc ça, c'est, comme on a pu le répéter, la faïda de cette qawa'id, de ce qawa'id-là. C'est lorsque tu connais l'asl, tu restes dessus, tamam? Tu restes dessus. Et rien ne peut la dévier si jamais il n'y a pas de dalil. Et celui qui prétend l'inverse, ça lui ramène dalil. Ça, c'est la faïda de cette qaïda-là, et non pas de s'adonner en fermant les yeux en disant, elle aslufi l'asha salibaha, elle aslufi l'adafi salibaha, donc je m'adonne à toute chose, à partir du moment qu'il n'y a pas de dalil. Là, cherche où il est l'interdit, où il est le haram, tamam, et naham si jamais en dehors de cela. il n'y a pas de dalil qui prouve que c'est interdit et ni que c'est wajib. Naham, c'est une coutume, et naham, c'est mubah. Naham, c'est mubah. Donc ça, ça nous feed, il feed on a talab al-ilm, qu'il faut étudier afin de connaître les choses dont Allah Azza wa Jal, il a interdit, il a naham, il a obligé, tamam. Ok, maqan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naham, inna Allah, naham, inna al-halal bayin, wal-haram bayin, wa baynahuma umurun mushtabihat, tamam. وقال سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون تمام la plupart des gens ne connaissent pas تمام donc الأغلب تمام c'est que les gens ne connaissent pas donc il faut que on fasse l'effort de connaître les choses afin de pas tomber dans le mushtabihat la chose dont tu ne sais pas si elle est halal ou bien qu'elle est haram parce que le fait de s'adonner à la chose qui est mushtabihat comme on a pu le voir كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام c'est comme si jamais c'était adonné au haram parce que il s'adonne à une chose sans rien donc il faut connaître les choses ou plutôt s'adonner lorsqu'on fait une chose avec la science. Ça c'est la faïda de cette qaïda-là. Et non pas se laisser pousser par son hawa et s'adonner à toute chose. Et qu'à l'éca, al-hadith wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Ça veut dire qu'à l'éca, on s'affiche de ce hadith-là qui est la qaïda de cette, plutôt qui est le dalil de cette qaïda-là. Que à partir du moment où on connaît le haram et on connaît le wajib, tamam, il ne faut pas des fois se forcer tamam, le passage et pour voir des choses qui sont plutôt des choses qui sont autorisées, à vouloir y aller forcément leur trouver des jugements. Tamam. Il ne faut pas il ne faut pas qu'on fasse des efforts au-dessus de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Tamam. C'est-à-dire qu'il y a des choses donc tu vas voir, yani, il y aura une petite ressemblance quand même. C'est pas toute ressemblance qui fait que tu peux joindre cette chose-là par la chose sur laquelle il a été prononcé un jugement, tamam, par le qiyas, tamam, qui est ma'ruf, tamam. Les choses dans lesquelles il y a une illa, il y a un justificatif qui est wadih, tamam, qui est jali, tamam, qui est clair et net, naham. Tu prends cette chose-là et tu la joins à la chose, dans le jugement de la chose dont il a été prononcé le jugement. Amma, si jamais il y a des petites ressemblances dans lequel Allah Azza wa Jal, plutôt Ad-Din, il n'a pas noué lié les jugements, il ne faut pas faire des efforts sur soi-même pour forcément trouver des jugements à des choses qui peut-être ils sont, qui sont autorisés. Tamam. Leurs jugements sont juste autorisés. Tamam. Donc, c'est-à-dire les choses dont il n'y a pas un jugement qui a été prononcé, tamam, ou bien les choses dont tu ne trouves pas des hilal, un justificatif qui te permet de pouvoir le joindre à un autre jugement, il ne faut pas faire des efforts sur soi-même, des choses dont Allah Azza wa Jalla ne nous a pas demandé. Ne cherche pas à vouloir tout joindre, que ce soit un halal ou bien plutôt un halal, et, plutôt je veux dire un wajib ou bien un haram. Il y a des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala sakata anhu, rahmatan lana, par miséricorde pour nous. C'est-à-dire que si jamais on fait l'effort de vouloir chercher et lui donner forcément un jugement, tu vas peut-être retirer cette rahma qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnée pour tomber dans le hadab, pour tomber dans le hadab et dans shidda, dans shidda. C'est-à-dire que tu vas t'interdire des choses qu'en vérité elles sont autorisées pour toi. Donc, il ne faut pas faire des efforts, forcer le passage et joindre toute chose à un jugement qui soit interdit ou bien wajib. Donc, ça, c'est le cas, c'est min fa'idatu hadhihi al-qa'ida wa hadha ad-dalil. An la natakallaf. وقال الإمام سعد عليه رحمة الله ça, ça nous montre le danger de interdire une chose qu'Allah Azza wa Jal naham il a autorisé ou bien l'obligé tamam, obliger une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, c'est-à-dire que tu peux le délaisser et tu n'auras pas de péché comme on a pu le voir à travers naham le comment l'ont jugé les gens du usul tamam, à travers al-mubah, c'est-à-dire que si tu le délaisses tu n'as pas de péché. Il nous dit l'Imam Sa'd rahimahullah ta'ala dans un autre livre Al-Qawa'id al-Jami'a, qui est un peu plus long et dans lequel il s'est beaucoup plus élargi que dans celui-là, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, il évoque que celui qui interdit une chose dont Allah Azza wa Jal il a autorisé, c'est un mubtadi'. Faqala rahimahullah ta'ala, man harrama al-mubah huwa mubtadi', comme qala fi al-Qawa'id al-Qawa'id al-Jami'a. Pourquoi il a pris comme dalil, qawlu subhanahu wa ta'ala, qul man harrama zinata Allah التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق. Dans cette ayah-là, Allah Azza wa Jal les réprimande, les gens qui ont autorisé, plutôt interdit les choses qu'Allah Azza wa Jal il a interdit. فذمهم, il les a réprimandés méchamment, tamam. Et il nous dit كذلك celui qui interdit une chose dont Allah Azzawajal l'a autorisé, et voit par cela que cette personne-là c'est un mubtadi', c'est-à-dire que hakama tamam bi hukmin ma hakama bihi Allah Azzawajal. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam yadhan bihi Allah. Tamam. Al-halal wal-tahrim wal-hukm bil-wajib, le fait de juger une chose qu'elle soit interdite ou pas, ça c'est une chose qui revient à l'islam, tamam, à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Donc le fait de rentrer dans ces genres de choses-là, sans dalil, tamam, ça fait de toi comme si jamais tu étais un juge, tamam, avec Allah Azza wa Jal. Et cette ayat-là, ils l'ont pris pour juger des gens qui jugent des choses qui sont en dehors de l'islam, tamam, en disant que c'est des mubtadi', parce qu'il a innové dans l'islam un jugement qui n'y est pas, tamam. Donc cette ayat-là est un dalil qui montre yani, la véracité de jugement de l'imam Sa'di alayhi rahmatullah. Le fait d'interdire une chose qu'Allah Azza wa Jal il a interdit, ou plutôt l'a autorisé, ça fait de toi un mubtadi'. Donc ça pour minbab yani, tathkir, un rappel par rapport au hadith ma sakata anhu fa huwa af wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghani nisya, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément vouloir trouver des jugements à toutes choses, tamam. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prononcé le jugement dessus, on dit que cette chose-là elle est autorisée, tamam, elle est mubaha. Wa laysa mashru'an min al-umur ghayr alladhi fi shar'ina madhkur. Naam, kadhalika à l'inverse de l'ada, al-ibadah. Al-ada on a pu voir elle est autorisée. Wal ibadah tamam, comme قال المؤلف رحمه الله تعالى wa laysa mashru'an min al-umur ghayr alladhi fi shar'ina madhkur. Tu n'as pas le droit tamam dans ce dans le dîn d'adorer Allah Azza wa Jal par une chose dont l'islam n'a pas autorisé, par une chose dont il n'y a pas le dalil qui est venu. Donc je disais que al-aslu fil ibadah, comme ils disent, ce vers là nous expose que al-aslu fil ibadah, au contraire de l'ada, c'est tahrim. Al-aslu fil ibadah, c'est tahrim. La base dans l'adoration, c'est que c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'adorer Allah Azza wa Jal et de vouloir te rapprocher de lui que si jamais tu as un dalil. Si jamais tu n'as pas, tu n'as pas le droit de te rapprocher. Pourquoi? Car on va le voir à travers les hadillah qui nous montrent cela, que celui qui fait cela, tamam, est un mubtadi', car le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal bid dalil, c'est-à-dire par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est une sunnah. Et le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal sans dalil, sans kitab et ni sunnah, c'est une bid'ah. Pourquoi? Parce que l'inverse de la sunna, c'est-à-dire de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal afin de parler d'Alil et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna. Et son inverse, c'est-à-dire de se rapprocher sans cela, sans dalil et sans sunna, tam, sans suivi, c'est une bid'a. Tamam, c'est une bid'a. Wa al-adilla allati tadul ala dhalika kathira. Tam, al-adilla allati tadul ala anna al-aslu fi al-ibada huwa al-man'a wal-tahdhi'a wal-hadr wal-tahrim. مثله قول سبحانه وتعالى كما نقول واه précédemment ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. Ont-ils des associés, ام لهم شركاء وشرعوا لهم, des associés qui leur ont légiféré dans le din des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé, ما لم ياذن به الله, tamam. Donc cette aya là nous prouve bien que celui qui se rapproche d'Allah azza wa jal ou qui juge d'un jugement en disant que c'est une ibada qu'on peut se rapprocher alors que ce n'est pas, tamam, Allah subhanahu wa ta'ala samma hadha aniyash shuraka tashri'an, tamam, c'est comme si jamais il avait légiféré. Wa qala subhanahu wa Allah azza wa jalla yaqul wa inal hukm illa lillah, le jugement entier il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme tu n'as pas le droit d'associer dans l'adoration, kadhalika tu n'as pas le droit d'associer dans le jugement, tamam, kadhalika, parce que ça fait partie des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'autorise de juger que si jamais il te permet par un dalil du kitab et de la sunnah. Donc, à dans les cas, celui qui juge d'un jugement en disant que tu peux te rapprocher, que c'est une ribada, alors que ce n'est pas le cas, à dans les cas, c'est du shirk. C'est du shirk. Lakin fait l'ittibar. C'est du shirk, yani fait l'ittibar. Ce n'est pas l'association qui fait sortir de l'islam. Lakin, c'est une bid'a. Et la bid'a, naam, à dans les cas, c'est une marsiya. Et la marsiya, c'est un sabab parmi les asbab qui peut emmener à l'enfer éternel, comme قال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Celui qui désobéit Allah Azza wa Jal et à son messager, il aura le feu il vivra, yani, il aura le feu comme demeure éternelle. Lakin, معنى الآية, c'est que ça peut le mener à cela. Tamam, ça peut le mener à cela. Donc, il n'y a pas d'istihana. Tamam, il n'y a pas à mépriser, même si jamais ce n'est pas du shirk. Lakin, tout péché est grand. Tamam, comme l'ont dit certains ulama. Pourquoi? Parce que ils disent, ne regarde pas le degré du péché. Lakin, regarde la personne que tu es en train de désobéir. Et tu es en train de désobéir à Allah Azza wa Jal. Tamam, le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand. Le fait de désobéir, c'est un grand péché. C'est un grand péché dans le sens où tu es en train de désobéir à quelqu'un qui est grand, tamam, qui est énorme. Subhanahu wa ta'ala. Wa min as-sunnah allati tadullu ala dhalika ana al-aslu fil ibad al-man' qawlu subhanahu qawlu nabiy sallam kama fi hadith Aisha annahu qala man ahdatha fi amrina ma laysa min fa huwa radd. Celui qui innove une chose, tamam, dans notre affaire, c'est-à-dire l'affaire religieuse, qui n'en fait pas partie, fa huwa radd, c'est-à-dire mardudun ala sahibi, il sera rejeté, tamam, dans le visage de cette personne-là. Wa qala nabiy sallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui œuvre d'une œuvre qui n'a pas été légiférée, tamam, dans les affaires religieuses, fa huwa radd kadhalika mardudun 'ala sahibi, elle sera rejetée. Tamam, donc le fait qu'elle est rejetée, c'est qu'elle n'est pas conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: fa man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Celui qui veut soit rencontrer son Seigneur, qui ne l'associe pas, wa ya'mal 'amalan salihan. Comme قال l'imam Fudayl ibn 'Iyad rahimahullah ta'ala, al-'amal as-salih, c'est quoi muwafaqat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi l'ittiba'. C'est que tu sois conforme dans le suivi à celui du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hada huwa. Et l'adilla fi zalika kathiran kathiran jiddan. Wa qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa qala jalla wa ala: نعم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous prétendez aimer Allah Azza wa Jal, suivez-moi. Donc le fait de suivre le prophète sallam, c'est une condition afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré ton œuvre. والعباده ان شاء الله المعروف عندكم فكلما نعم كلما يحبه الله ويرضى من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. Toute chose, toute parole et tout acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et l'agré, tamam, qu'il soit apparent ou bien dissimulé, tamam. C'est ça, c'est le tarif de l'ibada. C'est toute chose dont Allah Azza wa Jal, il a porté un jugement dessus, que ce soit une obligation ou une interdiction, il a akhiri, mustahab ou détestable, il y en a, toutes ces choses-là, ce sont, il y en a, ibada. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a prononcé dessus un jugement. Wa ma sakata anhu fa huwa 'afw, wa ma takallama fihi fa huwa 'ibada. Tamam, hada huwa. Fa cette qa'ida là, yani ana al-asl fi al-'ibada al-hadr. يعني معناها أن من أقدم على عبادة, من أقدم يتعبد لله عز وجل بلا دليل, تمام, إبا son œuvre sera rejetée. تمام, celui qui fait le pas pour se rapprocher d'Allah عز وجل sans dalil, ça sera rejeté et il aura commis un acte qui est interdit. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Donc il faut qu'on, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer et de ne pas associer dans l'adoration, kadhalika, il a ordonné de ne pas associer à Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'ittiba, c'est-à-dire dans le suivi. Car tu ne peux adorer Allah azza wa jal illa bima shara. Et tu ne peux te rapprocher de lui que par les choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui l'intermédiaire qui nous expose comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme lui il l'aime et l'agrée. Pourquoi? Parce que al-ibadah, c'est pas une chose dont les raisons peuvent connaître et savoir, yani, par elles-mêmes, quelles sont les choses par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou l'adilla ala dhalika, aqliya. Mathalan, al-salah, tamam, al-salah, minha arba'a raka'at, wa minha thalatha, wa minha raka'atayn, tamam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a diversifié les raka'at, les unités de prière. Tamam, certaines des prières sont par deux, certaines par trois, et certaines par quatre. Est-ce que l'aql, tamam, est-ce que la raison, la seule raison, peut savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous deux, ou bien trois, ou bien quatre raka'a, là. Tam, wa kadhalika al-ibada, tam. Et c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle agrée. Lakin al-aql, c'est impossible qu'il sache pourquoi Allah azza wa jal, il a légiféré le fajr pour deux raka'a, c'est une chose qu'il aime et il agrée. Et il fait toutes choses par sagesse. Lakin, toi, par ta propre raison, tu peux pas savoir, tam. Donc ça, c'est un dalil aqli qui nous prouve que tu peux pas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car al-ibadah, l'adoration, c'est une chose dont al-uqul, les raisons, et ne peuvent pas par elles-mêmes cerner et savoir quelles sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et l'agré pour nous, de même que par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. فَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ وَعَلَى فَمَنْ كَانَ أَوْ بِتُوْ نَعَمْ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمْ اللَّهِ. Si vous aimez Allah azza wa jal et vous voulez qui vous aime, c'est-à-dire d'emprunter les chemins et les ibad à ma'ruf, c'est une chose qu'Allah il aime, comme on a pu le voir à travers la définition. Donc si jamais on souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et se rapprocher de lui par les choses qu'il aime, il faut qu'on suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala il va vous agréer, il va vous aimer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, il lui waffaq, il lui donne التوفيق فيما يحب ويرضى كما في الحديث آنام وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه العبد ne cessera de se rapprocher en faisant les actes surrogatoires jusqu'à ce que je vais l'aimer, et si jamais je l'aime, comme à la fin du hadith, أن الله عز وجل donne التوفيق في كل شيء, dans tout ce qu'il entreprend. من باب الفائدة cette qa'ida là, l'ibadah, l'aslu fil ibadah, l'tihrim, ça c'est kadhalika une condition, une condition parmi les conditions de l'attestation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager et le serviteur d'Allah azza wa jalla. Celui qui atteste dans le suivi ar-risala bir-risala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui est imposé de, lorsqu'il va adorer Allah azza wa jalla, qu'il l'adore même parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Les conditions de cette attestation là à son nombre de 6, lorsque tu attestes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah azza wa jal, ça incombe 6 conditions. T'as même 6 conditions que l'imam, ou plutôt Cheikh Zayd al-Madkhali alayhi rahmatullah, il a réuni dans ces vers là قال بشروط ستة قد علمت ومن نصوص الشرع حقا فهمت أولها اعتراف واعتقاد باطنا بشرعة الهادي يقينا باينا والثاني نطق باللسان واضح بها صريحا فانتقوها تفلح والثالث الإحسان في المتابعة في الأمر والنهي بلا ممانعة والرابع التصديق فيما أخبر أسوتنا المختار سيد الوراء والخامس محبة الشرعية دليلها في سنن المروية أقواله قدم كذاك فاعتصم بسنة غراء سبيل من فهم. يعني سامبلون الشاهد قال رحمه الله تعالى وثالث الإحسان في المتابعة في الأمر والنهي بلا ممانعة. يعني parmi les conditions de cette attestation là, le fait que tu suis le prophète صلى الله عليه وسلم بالإحسان تام في الأمر والنهي, ça fait partie des conditions. Donc ça cette قاعدة là nous montre qu'elle est vraiment importante, car elle est liée au fondement de l'islam. Et parmi les fondements de l'islam, cette attestation-là plutôt même, c'est le fondement de l'islam, avec la shahada que Allah subhanahu wa ta'ala yani wahdahu yastahiqu al-ibada. Donc cette qaida-là, plutôt ce bait-là nous montre que cette qaida-là, elle est importante. Elle est vraiment importante, car elle est liée à l'attestation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'attestation que c'est notre prophète. Donc ça, c'est une qaida là qu'il ne faut pas négliger, car comme on a pu le voir, l'inverse de la ibad de la sunnah, c'est al-bid'a, ou al-bid'a yani ma'roufa, c'est kulluma lam yashra'a billah, toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré parmi les choses que les gens prennent pour se rapprocher. Ça c'est naham al-bid'a, ça c'est al-bid'a. Wa min bab al-fayda kathalika al-bid'a, ou plutôt à sunnah, parce que comme on est en train de parler de la bid'a, à sunnah minha fi'liya, la sunnah du prophète sallam yani elle est de plusieurs catégories. Minha fi'liya, c'est-à-dire que un nabi sallam il fait un axe, et par rapport à dans cet acte là il a légiféré le suivi. Wa minha al-qawliya, le fait qu'un nabi sallam il ordonne une chose tamam, ou il recommande une chose, il a khirihi bi al-lisan kazalika. Dans ces choses-là, il y a une chose que Nabi Sallam a légiféré pour nous. وَمِنْهَا تَقْرِيرِيَّةً, c'est-à-dire que Nabi Sallam ni l'a fait et ni كَذَلِكَ il a prononcé. Lakin le fait que ça s'est fait devant lui et qu'il a approuvé, t'as même son approbation كَذَلِكَ fait de ces choses-là qu'elles deviennent sunnah. Car Nabi Sallam ne s'était pas sur une chose qui fait partie des affaires religieuses, t'as même. وَمِنْهَا تَرْكِيَّةً, et parmi les sunnah كَذَلِكَ السنة التركية استدعي كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى دلي سينشوس تمام ni c'est il y a une approbation tamam ni il a fait et ni kazalika il a prononcé tamam un jugement de fur qulia lakin tara kazalika tamam fadhalika kazalik c'est une sunna tamam la sunna minha fi'liya wa minha tarkiya al fi'liya tanqasimu ila thalatha tamam fi'liya qulia wa taqririya wa kadhalika tarkiya le fait qu'il a délaissé une chose tamam le fait qu'il a délaissé une chose comme a dit le prophète sallam n'am da'u ma taraktukum laissez les choses dont je vous ai laissé. C'est-à-dire, ne faites pas d'innovation et n'ajoutez pas des choses dont moi-même j'ai délaissé. Ça, c'est un dalil qui nous prouve que la sunna, yani minha fi'liya wa minha tarkiya. Wa hatta qala l'imam Ibn Qayyim fi l'i'lam fi a'lam al-muqti'in, qala sunnatu minha fi'liya wa minha tarkiya. Wa kama qala rahimahullah ta'ala, kama anna sunna fi'liya kadhalika ash. تركية هذا هو قوله والسنة التركية تمام la sunna du délaissement si on peut appeler ça comme ça تمام elle se divise en deux parties تمام منها صريحة ومنها غير صريحة تمام تا une sunna تركية donc النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné de délaisser كما في الحديث يعني عموما قال دعوني ما تركتكم تمام là il a ordonné une chose c'est de délaisser les choses que النبي صلى الله عليه وسلم lui-même a délaissé تمام que lui-même a délaissé c'est-à-dire lorsque Nabi Sallam il ordonne une chose de délaisser, ça c'est une sunnah. Le fait que tu délaisses ces choses-là, c'est une sunnah. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné de délaisser. T'as il a ordonné de délaisser. Donc tu délaisses une chose et par ce délaissement-là, tu as appliqué une sunnah. Et غير صريحة, c'est une chose que Nabi Sallam il n'a pas directement ordonné de délaisser. Et que ni كذلكَ الصحابة ils ont ordonné ou plutôt ils nous ont informé que Nabi Sallam il a délaissé. ولا كذلكَ فعلوا ils n'ont pas fait. Et c'est ma'ruf, as-sahaba, c'était les gens qui étaient les plus dévoués dans l'adoration et ne délaissaient pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré. Comme a dit Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, qala inni la akhsha an azir idha taraka shay'an kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad fa'al. Il dit, j'ai peur que mon cœur dévie si jamais je délaisse une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, tamam. Donc ces personnes-là, c'était les personnes qui étaient les plus dévouées. C'est-à-dire que si jamais cette chose-là, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné de délaisser, tamam, et ni kadhalika sahaba ils l'ont fait, il a khirihi, tamam, et ni kadhalika nous a informé que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a délaissé ou il a fait, il a khirihi, tamam, cette chose-là, kadhalika, le fait de la délaisser, tamam, ça c'est kadhalika, ça fait partie de la sunnah, laquelle à partir de deux conditions. Al-oula, an yakum, al-sabab mawjoud, tamam, que la cause, tamam, elle était présente, tamam, la cause, elle était présente, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam wala kadhalika qama mani' ala man'ihi et qu'il n'y avait aucune chose qui l'empêchait de faire tamam la cause il faut qu'elle soit présente à l'époque du prophète sallam et kadhalika ash n'am qu'il n'y avait aucune chose qui l'empêchait tamam si jamais la personne fait cette chose là parmi les choses dont il n'y a pas de dalil min al-kitab wa la sunnah tamam yani sarihan il n'y a pas un dalil clair, net et précis qui montre que cette chose-là est sunna, tamam. Et toi, tu vois que cette cause-là que toi tu veux faire, elle était présente, tamam. Ou plutôt la chose que tu veux faire, cette cause-là était présente à l'époque du prophète sallam, et il n'y avait aucune chose qui l'empêchait. Malgré cela, le prophète sallam, yani ça n'a pas été, rien nous a été rapporté qu'il l'a fait. Le fait que tu fasses cette chose-là, c'est une bid'ah, tamam. Le fait que tu fasses cette chose-là, c'est une bid'ah. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, la sunna c'est tarkiya. Donc le fait que tu fais une chose que le prophète a délaissée et que tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par cette chose-là, ça fait de toi, tamam, que tu as fait une bid'a à partir du moment où cette chose-là que tu as fait, la cause était présente dans l'époque du prophète et kadhalika, il n'y avait aucune chose qui l'empêchait de pouvoir le faire comme c'est le cas de l'adhan fi l'aidain. Tamam, l'aidain, ma'ruf, l'aid al-adha ou l'aid al-fitr. تام يا با تديني صلاة الجامعة ولا كذلك أذان كما جاء في حديث نعم بارك الله فيكم جابر بن عبد الله تام دون كيلدي لا أقام فيها ولا أذن تمام لأني في الإقامة أنا بسلام يعني ني لا أخذني الإقامة دفع الإقامة إني كذلك دفع الأذان تام donc cette cause là elle était présente c'est à dire de pouvoir faire الأذان pour صلاة العيدين تام c'était cette cause là elle était présente تمام. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire l'adhan. Malgré cela, ils l'ont délaissé. Il n'y avait rien qui l'empêchait. C'est-à-dire que si jamais la personne vient, elle fait l'adhan, ou bien fait l'iqama, ou bien dit salat al-jami'a pour l'aidain, on va dire de ces choses-là que c'est quoi? Que c'est une bid'a. Si on demande un dalil, on dit le dalil c'est que il a délaissé des choses. Il a délaissé des choses. Et il a délaissé cette chose-là. Et la cause, elle était présente dans son époque. Et il n'y avait rien qui empêchait de pouvoir faire cette chose-là. Donc le fait que toi tu le fais, et que les sahaba qui étaient les plus dévoués n'ont pas fait, ceci nous prouve bien que tu es en train de faire une bid'a. Car la sunnah, minha tarkiya, le fait de délaisser une chose, que dont les causes étaient présentes dans, dans l'ère du prophète sallam et que rien n'empêchait de le faire, ça, ça fait quoi? Ça fait partie de la bid'a. Ça fait partie de la bid'a. Kazalika, misluhu yani taqdim al-khutba ala, na'am, ala salah. Tamam fil aïd. Al-aïd, ma'ruf, tu fais la salah, et ensuite la khutba. Ceux qui inversent, ils font la khutba, et ensuite ils font l'adhan. Pour n'importe quel justificatif, on va leur dire, je suis en train de faire une bid'a. Car la cause était présente. Ce que tu fais, sa cause était présente dans l'ère du prophète sallam. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité d'inverser et de commencer par la khutba et ensuite la salah. Mais malgré cela, il ne l'a pas fait. Donc le fait que toi tu le fasses, tu rentres dans le hadith. Da'ouni mataraktukum. C'est-à-dire que tu as fait ce que Nabi sallam il a ordonné de délaisser kazalika al-adhan al-awwal fi al-jumu'ah. Ta'am. Yani al-muqtada, il était mawjoud dans l'ère du prophète sallam. Ta'am. Il avait la possibilité de faire ces choses-là. C'est-à-dire l'adhan pour al-jumu'ah al-awwal. Kazalika. C'est pas lorsque, après le khilaf de Uthman, que la Médina yani, elle était grande et que les gens habitaient loin du Masjid al-Nabawi. Kazalika, dans l'époque, à l'ère du Prophète et Kazalika Abu Bakr Omar, certaines personnes habitaient loin de Masjid al-Nabawi. Malgré cela, la cause était présente, malgré cela, rien ne les a empêchés de faire ces choses-là. Et ils l'ont délaissé. Donc le fait qu'ils le délaissent, ça fait d'une chose-là, une bid'a kama. قال عمر بن الخطاب ابن عمر رضي الله عنه dans lequel il a jugé que l'adhan al-awwal lil jumu'ah c'est une bid'a. Tamam, donc ça c'est kadhalika, ça rentre dans cette barakallahu fikum, dans cette qaida là. Tamam, dans ce qui dit al-asl fil ibada al-man' kadhalika. Tamam, lorsque il y a rien qui a été prononcé dessus, tamam, il faut délaisser. Pourquoi? Parce que le fait de faire une chose parmi les choses dont Nabi sallam il a ordonné de délaisser, ou bien que la cause elle était présente et rien l'a empêché de pouvoir le faire, tamam, kazalika, ça fait partie de la bid'a, tamam, ça fait partie de la bid'a et des doha sunnah, tamam, des doha sunnah. Donc ça c'est en résumé ce que contient cette qaida là, tamam. Al-asl fil ibada al-hadar, l'interdiction, tamam. La base dans l'ibada, il faut que tu aies un dalil pour pouvoir adorer Allah azza wa jall. Si jamais tu fais pas, c'est comme si jamais tu avais t'es considéré comme un juge avec Allah Azza wa Jal, même si c'est pas du shirk dans l'ibada, je veux dire dans tawhid, lakin c'est du shirk dans n'amal ittiba', du shirk dans ittiba', wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam kull amrin aw man hamila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait une œuvre et كذلك celui qui innove, même si jamais il a pas fait une œuvre dont Allah Azza wa Jal et son prophète il a autorisé, même ces choses-là elle est interdite, il faut que tu aies un dalil, tamam. Au contraire de l'ada, tamam, l'ada faut c'est l'axe, il faut que tu aies un dalil qui prouve que c'est interdit. Au cas contraire, tu as droit de t'y adonner. Al-ibada al-aks. Il faut que tu aies un dalil pour pouvoir adorer. Au cas contraire, c'est interdit. Tamam. Hada huwa an'am ma'na hadhihi al-qa'ida. Qala wa laysa mashru'an fi min al-umur ghayr alladhi fi shar'ina mazkur. On va prendre kadhalika celle qui vient après, parce qu'on a pu la voir dans la première qa'ida, c'est-à-dire jalb al-masalih. Qala rahmahullah ta'ala wa sa'il al-umur kal-maqasid wa hukm bi hadha al-hukm lil-zawa'idi. Il dit, arahimahullah ta'ala, que les intermédiaires qui vont te permettre d'atterrir, ou plutôt d'aboutir à un objectif, tamam. Il dit, kadhalika, ils vont prendre le même jugement au niveau de la récompense. On a pu le voir, cela à travers de la qa'ida, tamam. Comment s'appelle l'umur bimakasideha. L'umur bimakasideha. Tamam, les choses, les affaires sont jugées selon les objectifs vers lesquels ils vont aboutir, tamam. Kadhalika, tamam, l'intermédiaire, le moyen qui t'a permis d'aboutir à une chose qui est légiférée dans le din, on regarde son jugement. Tamam, le jugement de cet objectif-là, si jamais il est mustahab, cette chose-là qui t'a permis d'y arriver, d'aboutir, kazalika, ça sera quoi? Mustahab. Celui, le fait de prendre, naham, comme on a pu le voir, mathalan, le fait de prendre un véhicule. Tamam. Prendre un véhicule, tu payes cette personne-là pour aller à la mosquée. Tamam, car tu as peur de louper, mathalan, le takbir de l'akhiri. Tamam, le fait que tu déverses, tamam, cet argent-là pour pouvoir prendre un taxi ou un bus pour arriver à la mosquée, tamam, ou maintenant celui qui achète un vélo pour aller à la mosquée et à l'akhirihi, son argent, tamam, cet argent-là qu'il a déversé pour aboutir à cette ibadah-là, tamam, il sera récompensé. Tamam. Il sera récompensé et sera mustahab. Kadalika sera récompensé. Tamam. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qui lui a permis d'aboutir à une chose qui est quoi? Qui est mustahab ou qui est wajiba et l'akhirihi. Donc il sera récompensé en fonction du jugement de cette chose-là qui est quoi? Plutôt de l'objectif. Fadalika qala wa sa'il al-umur et al-maqasidi. Wasa'il al-umur, c'est-à-dire les intermédiaires qui te permettent d'aboutir à une chose, à un maqasid, c'est-à-dire un objectif. Qala wahkum bihadal hukm lil zawahidi. C'est-à-dire que juge du même jugement que l'objectif. Tu lui donnes le même jugement que l'objectif. Et dalil qui nous prouve cela, comme on a pu l'évoquer, lakin, on le répète, wakullu matakarrar, ou plus kullu matakarrar, takarrar, tout ce qui est répété se fortifie. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dans cette آية Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de sa grande faveur. Il parle, yani, dans le contexte des personnes qui vont en djihad. Il dit que ces personnes-là, là, qui vont en djihad, ils ne sont pas touchés par la soif, ou par la faim, ou par at-ta'b, c'est-à-dire la fatigue. Ou, كذلك ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. Na'am, ça je ne vois pas comment le traduire, afwan. ولا ينالون من عدو لينا إلى آخره. Yani, dans cette ayah-là, Allah azawajal nous prouve que plutôt nous expose que toutes ces choses-là dans lesquelles ils vont rencontrer. Pour aboutir à cet objectif-là qui est le djihad, ils seront récompensés. Pourquoi? Parce que les intermédiaires, ils ont le même jugement, que ce soit dans la récompense et l'akhirihi, que ce soit mustahab et l'akhirihi, que les objectifs. Ils ne dépensent pas une petite dépense ou une grande dépense. Et tout valet qui dépasse l'akhirihi, ils seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront récompensés du meilleur de ce qu'ils ont œuvré. Donc ça, c'est min bab tatimma al-bayt, tamam, comme on a pu le voir, ça rentre dans la qaida qu'on a pu le voir, al-umur bi maqasidiha, tamam, al-umur bi maqasidiha, parce qu'il avait évoqué naham wa dinu wa binu ala masalih, plutôt il a pas évoqué, mais c'est moi qui l'ai rajouté, tamam, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc ça, inchallah, c'est en résumé ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans ces trois abiyat. Ana al-asl fi al-'ada al-ibaha wal asl fi al-'ibada al-tahrim wa anna al-umur bi maqasidiha. Tafaddal. Et comme je dis, inshallah, les douros seront mis, hein. Mais comme on est sur un livre, inshallah, afin de le publier, un livre qui est important, qui est relatif à shubuhat ad-dalala, qui est répondu ces jours-ci par rapport à Cheikh Rabi' et son égarement qu'il a dans l'Iman et kazalika dans l'Uzb al-Jahl. Donc on fait tous les moyens nécessaires pour pouvoir propager et publier ce livre qui a été édité par notre Cheikh Abu Hatim Yusuf al-Jizairi, et on fait tous les efforts inchallah pour pouvoir le publier. On a Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala dhalik. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu pris, parce qu'on veut que le livre soit sorti le plus vite possible afin que les gens en profitent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du cours sur la ad-darura? Que si on se trouve dans une situation de darura en commettant un péché, et que maintenant on va mourir, et si on mange une bête morte, il n'est pas permis de manger cette bête, et tant pis si on meurt. Wallah, et ça c'est ce qu'on a pu voir à travers la parole de qui? De l'imam le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wa kama qala na'am Cheikh Al-Albani, man istata'a an yakuna mithla Cheikh Al-Islam falyaf'al. C'est-à-dire, dans une chose qui t'échappe, tu ne connais pas le vrai du faux. Si jamais tu vois que Cheikh Al-Islam il a évoqué un jugement, yani c'est quelqu'un qui est connu pour avoir qui approfondit ses recherches, tamam, qui approfondit ses recherches. Et ça c'est un jugement qu'il a évoqué. Un jugement qu'il a évoqué, et je me rappelle pas qu'il a évoqué un dalil par rapport à cela, et les ulama après lui, ils ont évoqué cette qaida là, que celui qui et la cause, tamam, de tomber dans la daroura par l'intermédiaire qui l'a commis un péché, tamam, une chose qui est muharrama, il dit que cette chose-là ne le permet pas, tamam, il ne permet pas de s'adonner à la darura. Wallahu a'lam, inshallah, on va plus s'approfondir. Moi, Kadaï, j'ai eu un chèque fin de nafs, même. Wa qu'on est bien sallam. Al-mur ma tma'en bihin ilayhi nafs. Wa l'ithmu ma. Yani taraddada fih, tamam. Fastafi qalbak. Dans les umours dont il n'y a pas de dalil, là, bas, yani, ta'amal bil qalb. C'est-à-dire que lorsque maintenant tu es confronté à deux paroles de mufti et tu ne sais pas où aller la vérité, tu n'as pas été convaincu ni par l'un ni par l'autre, fais-tu qalbak, yani, comme a fait le hadith. Dans ce cas-là, yani, il t'est permis de pencher vers la vie dont ton cœur il est plus apaisé. Tamam. Donc, Wallahu a'lam, fais-tu qalbak. Fais-tu qalbak. Wa kama qala Sheikh al-Albani, tamam. Yani, man kana yastati an yakuna mithla Sheikh al-Islam, falyafal. Wallahu a'lam. Yani, quand ils ont posé la question par rapport à Ruqya, ils ne connaissaient pas la réponse. Et cette personne-là lui a fait part que Sheikh l'Islam il disait kada kada, j'ai oublié quelle réponse plutôt il avait dit. Il avait dit, rahimahullah ta'ala, man istata'a an yakuna mithla Sheikh l'Islam, falyafal. Donc on appelle pas au taqlid, lakin, kama qala Nabi sallam, fastafti qalbak. Wallahu a'lam. Wa fik barakallah. Donc, inshallah, tabarak wa ta'ala, on se suit de cela. S'il y a d'autres questions, sinon, on se contente de cela. تمام إن شاء الله دونك أشكركم إن شاء الله مخدي بارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية دمار أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين